Sous la promesse d'un secret absolu, Hortense raconta le résumé de ses conversations avec la cousine bête. Puis, en entrant, elle montra le fameux cachet à son père, comme preuve de la sagacité de ses conjectures. Le père admira, dans son fort intérieur, la profonde adresse des jeunes filles agitées par l'instinct, en reconnaissant la simplicité du plan que cet amour idéal avait suggéré, dans une seule nuit, à cette innocente fille. Tu vas voir le chef-d'œuvre que je viens d'acheter. On va l'apporter, et le cher Venceslas accompagnera le marchand. L'auteur d'un pareil groupe doit faire fortune, mais obtiens-lui par ton crédit une statue, et puis un logement à l'institut. Comme tu vas, s'écria le père. Mais si on vous laissait faire, vous seriez mariés dans les délais légaux, dans 11 jours. On attend 11 jours, répondit-elle en riant. Mais en 5 minutes je l'ai aimé, comme tu as aimé maman en la voyant. Et il m'aime comme si nous nous connaissions depuis 2 ans. Oui, dit-elle à un geste que fit son père, j'ai lu 10 volumes d'amour dans ses yeux. Et ne sera-t-il pas accepté par vous et par maman pour mon mari, quand il vous sera démontré que c'est un homme de génie? La sculpture est le premier des arts, s'écria-t-elle en battant des mains et sautant.